Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle, une émission animée par Aymeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com. L'entre-deux-tours n'est pas forcément la période rêvée pour la confrontation des projets et le débat d'idées. L'heure serait plutôt aux calculs électoraux et aux manœuvres dont la politique a le secret. Y aura-t-il un débat avant le débat entre Ségolène Royal et François Bayrou? La question tient en haleine journaliste et politique, au détriment peut-être de questions plus essentielles. Alors prenons un peu de hauteur pour porter un regard à la fois critique et distancié sur cette campagne, tenter de discerner pourquoi pas le mouvement de fond et les évolutions de la vie politique française. Pour cela, nous avons l'honneur d'être avec Régis Debray. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, écrivain, fondateur d'une discipline nouvelle, la médiologie, qui est, je résume, une méthode d'analyse des interactions entre la culture au sens large et les moyens techniques de production. On verra bien sûr comment cela peut s'appliquer à la campagne en cours. Avec moi pour vous interroger, vous en avez l'habitude, Jean-François Colosimo, qui représente ici le site orthodoxie.com. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Frédéric Casadesu pour l'hebdomadaire Réforme. Bonsoir. Bonsoir. Alors Régis Debray, première question, commençons par l'actualité de cette campagne. Depuis le 22 avril, dimanche dernier, en apparence, rien n'a changé. Nous sommes devant un duel classique droite-gauche. On dit que la participation est en hausse. Et pourtant, rien n'est comme avant. Il y a la tentative de François Bayrou de faire émerger un centre. Il y a l'assèchement des extrêmes, droite et gauche. Alors, est-ce que finalement, nous sommes en train de vivre le renouveau de la vie politique française ou est-ce que c'est un trompe-l'œil ? C'est d'abord un renouveau au sens générationnel et donc au sens du personnel politique en place. C'est évident que là, on tourne une page, en tout cas biologique et chronologique. Est-ce que ce renouveau n'est pas au fond une banalisation, un alignement, c'est-à-dire au fond une mise aux normes d'un pays qui était encore un peu singulier ? C'est une thèse qu'on peut défendre, à la fois la mise aux normes quant aux méthodes, c'est-à-dire la France abordant un moment américain où la personnalité, la perception l'emporte sur la conception et le programme. Bon, ça c'est une mise aux normes. L'effacement des extrêmes, notamment de l'extrême gauche, est également une mise aux normes européennes, je veux dire des démocraties développées. Est-ce que ce n'est pas également une mise aux normes en termes diplomatiques et de conduite internationaux? Voilà, tout cela peut se dire. Renouveau quant au personnel et peut-être, sinon alignement, en tout cas, début de la fin d'une exception. Vous semblez un petit peu désillusionné sur cette politique, sur cette campagne. Est-ce que les débats n'ont pas été à la hauteur de vos espérances? Non, attendez, moi je ne suis pas du tout désillusionné. Hein. Je veux dire, la politique est une technique, elle dépend de l'état des technologies, donc des mentalités. Il y a une crise de la représentation, d'où les idées de participation, les thèmes de la proximité, de la simplicité, de l'authenticité, de la banalité, enfin voilà, toutes choses qui relèvent d'un état des techniques, simplement. Nous sommes dans les techniques de la présence réelle qui substitue à la représentation, nous sommes dans les techniques de l'immédiateté par rapport au différé. Disons que c'est un... Allez au théâtre et vous comprendrez, enfin voilà, bon. Frédéric Casadesus. On a le sentiment tout de même que ce premier tour a offert un certain nombre de bonnes nouvelles, parmi lesquelles évidemment la très forte participation, oui. La chute des extrêmes, notamment de l'extrême droite. Oui. N'y aurait-il pas la matière à se réjouir? Oui, bien sûr. C'est vrai que je parlais du moment américain. Supposez que c'est un moment et non pas une période. Dans l'univers américain, il y a 50% d'abstention hein, aux élections présidentielles. Bon, là, il y a tout de même donc le maintien, je dirais, d'une politisation forte, avec sans doute l'idée, avec sans doute le besoin d'intervenir devant quelque chose qui apparaît comme dangereux à beaucoup de gens, enfin, ou en tout cas la hantise du 21-22 avril, je ne sais jamais, enfin, du 21 avril, donc voilà, mais ça c'est effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Que l'électorat d'extrême droite ait été siphonné par la droite républicaine, moi, ça me semble plutôt intéressant. Après tout, Mitterrand avait fait la même chose avec le Parti communiste. Enfin, c'est de la bonne politique? Oui, ça me semble être techniquement de la bonne politique. Je porte pas de jugement de valeur, oui, ça fait partie, voilà. Donc, c'est plutôt, on assiste, oui, effectivement, à une sorte de recentrage de part et d'autre. Ce qui est tout de même un facteur de banalisation, tout de même, par rapport aux pays comparables. Jean-François Colosimo. Oui, justement, on avait l'habitude que les campagnes en France soient marquées quand même par la présence des intellectuels qui étaient fortement impliqués dans le débat, qui étaient souvent des conseillers du prince, qui souvent marquaient de leur empreinte forte ce débat. Cette fois-ci, est-ce qu'on assiste à ce que vous aviez donné le diagnostic, à savoir IF suite et fin, la fin de l'intellectuel français, puisqu'on a vu que même les journalistes, cette fois-ci, c'est même pas les intellectuels, même les journalistes eux-mêmes ont été détrônés en quelque sorte au profit des spectateurs qui étaient invités pour poser des questions, n'est-ce pas? Donc est-ce qu'il n'y a pas une disparition là d'un sens critique qui était typiquement français? Écoutez, c'est vrai que porte-voix, le porte-parole est mal en point, parce que la présence en direct de l'électeur, du téléspectateur sur le plateau, enfin, nous vivons dans l'ère du direct, bon, où il n'y a plus délégation, mais où le peuple en personne est là. Le peuple, c'est quoi? Le peuple, c'est une juxtaposition d'individualité. Donc, nous avons ce formidable, comment dirais-je, éparpillement de réclamations personnelles, de demandes d'affection, de demandes de prise en compte, qui fait que l'homme ou la femme politique n'a peut-être plus besoin des cadres, des grands cadres idéologiques, des grandes références symboliques d'antan pour une approche, comment dirais-je, plus consensuelle, c'est-à-dire compassionnelle. Le problème de la compassion, c'est la proximité. Bon, parce que si les déterminants sont loin, c'est-à-dire si, comment dirais-je, la politique internationale n'intéresse plus beaucoup parce qu'elle n'est pas là. En fait, c'est faux. Les affaires mondiales sont les affaires intérieures. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, on peut bien dire cela. Mais, effectivement, elles rentrent pas dans le, disons, dans l'écran radar, parce que ce ne sont pas des individus qui peuvent se toucher, qui peuvent se plaindre, etc. Ce sont des problèmes plus généraux. Qu'est-ce que l'islam aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le dialogue ou l'affrontement des civilisations? Qu'est-ce que c'est que la montée de l'Asie? Qu'est-ce que c'est que l'Inde? Toutes choses qui apparaissent comme évanescentes devant, ce qu'il y a de visible, de tangible, et qui est the man next door, ou the woman next door, n'est-ce pas? Voilà, c'est-à-dire, nous avons besoin, d'abord, nous voulons être représentés par des gens qui nous ressemblent, et non plus par des gens qui nous transcendent, et nous, c'est vous, moi, c'est tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, comment dirais-je, il n'y a plus de la personnalité médiatrice, prophétique, qui anticipe, qui synthétise. Non, c'est... Nous sommes entrés dans un autre monde, mais après, il n'y a pas que la politique. Hein, je veux dire, on pourrait parler de beaucoup d'autres phénomènes sous cet angle-là. Mais est-ce que ce n'est pas justement cette crise dont nous parlons, cette difficulté à anticiper, justement, à dessiner ce qui est en train de naître? On voit bien ce qui disparaît, on ne voit pas bien encore ce qui est en train de naître. Bah, l'immédiateté, c'est bien cela, hein. C'est comme le dictat du présent, le dictat du direct, le dictat du premier degré, le dictat de l'émotif. Enfin, tout ça, ça fait partie de la vidéosphère, si vous voulez, de cet univers qui est beaucoup plus gouverné par des pulsions, des impulsions, des affects, et beaucoup moins des constructions rationnelles, des projets anticipateurs, comme ce à quoi vous vous référez. Non, mais ça, c'est, on peut dire ça, on peut mettre ça sous le chapeau Amérique. Jean-François Colosimo. Le seul problème, c'est qu'en Amérique, il y a Dieu. Alors qu'ici, nous avons une Amérique sans Dieu. On va en reparler. François Colosimo doit connaître ce problème. Mais si vous permettez, Régis Debray, parler d'abord d'une chose qui me semble aussi essentielle, c'est peut-être la fin de la Ve République sous nos yeux, puisque cette Ve République avait été pensée par le général de Gaulle comme un moyen d'affranchir, en quelque sorte, le pouvoir exécutif, n'est-ce pas, justement, des lobbies, des pressions, des alliances, des coalitions, des partis, de manière à dégager une politique française. Eh bien, on voit que cette République, elle va mal, là, puisque il y a une percée de ce qu'on appelle le centre, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais on soupçonne que ça veut dire autre chose, au fond, que le gaullisme ou que l'héritage gaullien. Et puis aussi, il y a ces jeux de rapports entre partis, ces coalitions qui nous font penser à la 4ème République. Oui, enfin, bon, si vous voulez... Il y a aujourd'hui une mise en cause de l'État qu'il définit par sa distance d'avec la société civile. La loi n'est pas les mœurs, le vote n'est pas le sondage. Il y avait, dans l'idée d'intérêt général, une certaine abstraction. C'est-à-dire que l'État n'est pas le reflet de la société civile, le Parlement n'est pas le reflet de la rue... La raison politique n'est pas le reflet de l'émotion d'un instant. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans l'État-reflet. L'État doit être le reflet, le miroir de la société civile, doit en épouser les contours, les demandes, les requêtes, les aversions. Et donc, là, effectivement, nous avons, je dirais plus globalement, au-delà de la Ve République, une remise en cause de, comment dirais-je, du grand spectacle politique. De l'État comme théâtre. Un théâtre, c'est un lieu où il y a une rampe entre la scène et la salle, n'est-ce pas ? Et où ce qui se passe sur la scène a une dimension symbolique. La crise du symbolique est évidente aujourd'hui. Le symbolique, c'est à la fois ce qui fait référence à autre chose que la chose même, c'est-à-dire ce qui est allusif à une réalité invisible, et c'est ce qui rassemble les hommes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec la perte du symbolique, vous avez la perte de l'idée de rassemblement. Autrement dit, puisque on ne peut se rassembler que sur un point, que sur une idée ou une image qui nous dépasse et nous englobe, il y a, je dirais, une crise de la transcendance politique. Mais ça qui est l'envers du culte de l'immédiateté, du culte de l'instantané. Enfin, je veux dire, voilà, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Autrement dit, on peut pas avoir une démocratie participative, comme on dit aujourd'hui, et une transcendance politique. Le problème de la transcendance politique, c'est pas qu'elle soit transcendance. Moi, je ne donne pas à ce mot un caractère surnaturel. Simplement, ce qui dépasse l'immédiat, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec l'avenir, quelque chose qui a à voir avec une idée générale du monde, quelque chose qui a à voir avec un mythe identificateur ou mobilisateur. Donc voilà, ça, c'est certainement... En crise, mais au bénéfice d'autres valeurs qui, peut-être, disons, inaugurent un nouveau monde qui n'est pas forcément péjoratif, abject ou avolo. Disons que les paramètres sont en train de changer, incontestablement. Ce qui est à craindre, c'est tout de même l'unité nationale, me semble-t-il. Je suis frappé par la montée des votes identitaires, des votes communautaires. Ça, c'est aussi un phénomène sur lequel on peut mettre Amérique comme chapeau. La communauté noire vote pour Ségolène à 90%. La communauté juive vote pour Sarkozy à 90%. Les catholiques ont un vote sarkoziste très prononcé. C'est un vote communautaire ? Non, mais enfin communautaire, je sais pas, identitaire, c'est-à-dire que ils votent en tant que catholiques et non pas en tant que citoyens. On dirait que ça a toujours été comme ça. Mais c'est là, le sentiment que vous avez. Moi, c'est le sentiment, effectivement, d'un morcellement du corps national en communauté. Encore une fois, je mets pas dans le mot de communauté. Je crois que l'homme a besoin de communauté. C'est pas du tout ça. Je ne prêche pas pour un individu abstrait, sans attache, sans tradition. Mais je constate que il y a tout de même un clientélisme ethnico-religieux qui commence à me faire peur. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire, Régis Debray. On va y revenir juste après un bref intermède musical. Radio Notre-Dame. Ça boit le petit noir ou le petit vin blanc. Ça cherche la bagarre et du boulot souvent. Ça lève le poing, sa bouche, sa manifestation. Ça sort tous les samedis, dépenser son pognon. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du Laguiole à l'Opinel, partager les saucissons. Marc Lavoine, c'est ça la France. Nous sommes avec Régis Debray, qui est le président d'honneur de l'Institut européen en sciences des religions, qui est également le fondateur de la revue Medium, qui fait paraître son numéro 11 en ce moment, pour analyser avec vous, Régis Debray, ce moment politique que nous vivons, cet entre-deux-tours, et puis également peut-être ce nouveau monde qui est en train de naître, dont vous nous parliez juste avant, Marc Lavoine. Donc, ce nouveau monde qui signifie la fin des idéologies mobilisatrices, mais peut-être aussi davantage de prise sur le réel, avec peut-être ce souci de proximité. Est-ce que finalement, cette fin des idéologies, il faut vraiment la regretter? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vous pose la question, puisque vous semblez quand même un petit D'abord, entendons-nous, on a remplacé une idéologie par une autre. La proximité est une idéologie comme les autres. Je ne crois pas qu'on touche enfin au réel après avoir navigué dans les idées vagues de la belle aube au triste soir. Ce n'est pas ça, c'est un schéma très, très idéologique pour le coup. Non, nous sommes dans une idéologie dans laquelle l'individu a le pas sur l'intérêt général, l'affectif a le pas sur le rationnel, l'instant a le pas sur le lendemain. Où la souffrance est un argument et où la compassion devient quelque chose d'accréditif. Je m'accrédite parce que je compatis. Et donc, c'est une idéologie hein, comme une autre. Enfin, elle est simplement, elle n'a pas la même assiette que d'autres. Elle n'a pas la même grandeur. Je ne sais pas si elle peut. C'est d'abord une idéologie de temps de paix. Premièrement, nous sommes très loin de la culture de la guerre. Le problème, c'est que le monde, le sud de la Méditerranée, le Moyen-Orient, rentrent et ils sont dans la culture de la guerre. C'est tout de même une différence entre les civilisations fondamentales, hein, entre les moments d'une civilisation. C'est une culture de riches. C'est-à-dire où le prix de la vie est extrême, surtout quand il s'agit de la vie d'un blanc, d'un chrétien blanc, parce que c'est vrai que le prix de la vie n'est pas le même, selon que vous êtes blanc ou noir, selon que vous êtes juif ou musulman. Voilà, c'est une mentalité plutôt qu'une idéologie, j'aime pas trop ce mot. C'est une mentalité qui correspond, disons, au lieu et au moment. Donc, on s'y sent bien. Dans une société de pénurie, dans une société en guerre qui exigerait des sacrifices de chacun, éventuellement des sacrifices de notre vie, là, je pense que la donne serait différente, mais pour le moment, on se sent bien dans ce tailleur-là. Frédéric Cazatzu. Oui, une très courte question. Vous venez de dire la vie n'a pas le même sens selon qu'on en est juif ou musulman. Vous voulez dire que les juifs sont mieux traités? Je savais que ce mot allait provoquer, bien sûr, des... Non. Je pense que nous avons... J'ai en tête la réflexion d'un journaliste correspondant à Tel Aviv, oui, qui me disait que quand vous avez une vingtaine de morts dans tel territoire, votre rédaction en chef ne vous appelle pas. Mais quand vous en avez deux ou trois morts ailleurs, on vous appelle. C'est normal. Ce n'était pas en France, donc, que vous évoquiez ça. Non, bien sûr, ce sont des solidarités normales, je veux dire, voilà. D'accord. Parce qu'on se sent proche des uns et éloigné des autres. Vous étiez sans doute plus proche du tsunami lorsque il a eu lieu dans un endroit où nous avions beaucoup de proches et où nous allons nous-mêmes passer nos vacances et où il y avait des photos en plus parce que nous avons des téléphones portables, que vous n'en étiez de tel coin perdu de l'Indonésie où le nombre de morts était tout de même 10 fois plus important. Voilà, c'est... Simplement pour rebondir sur ce que vous avez dit précédemment, vous avez évoqué un vote identitaire plutôt que communautaire. Réforme a commandé un sondage sur le vote des protestants qui laissait penser à un glissement des protestants vers la droite, en tout cas les intentions de vote. Il n'en a finalement rien été, ou presque. Est-ce que vous diriez que les protestants sont plutôt fidèles à la République ou simplement que ils se sont banalisés d'une autre façon? Écoutez, vous me mettez sur un terrain un peu glissant. C'est vrai que les protestants ont tout de même fait la République et la laïcité. Et même avant, le pasteur Rabault Saint-Étienne a eu a dit des choses intéressantes en 1789. Le protestantisme, par ailleurs, c'est vrai, est un élitisme, ne serait-ce que social, puisque ce sont les couches les plus intellectualisées, tout de même, qui sont protestantes, avec en plus une tradition de Kant à soi. C'est vrai que les protestants, disons, sont, me semble-t-il, moins exposés aux rages ethniques ou ressentimentales, aux frilosités conservatrices que d'autres. Bon, enfin, bon, là, il faut demander aux sociologues. Hein, et à Jean-François Colosimo. Non, je voulais juste dire que pour que les protestants aient eu un vote identitaire, il aurait peut-être fallu qu'ils aient résolu... une identité. qu'ils aient résolu leur problème d'identité. C'est ça que je veux dire. Private joke, chers auditeurs, private joke. Voilà, c'est une émission œcuménique, et donc il y a un certain débat. Je vais revenir à... C'est pas très orthodoxe. Régis Debré sur le fond des choses. Là, on a vu segment. Alors, il y a eu, évidemment, cette tribalisation de la demande politique, mais il y a eu aussi une segmentation de l'offre chez tous les candidats qui ont appris à s'exprimer à des morceaux de population, n'est-ce pas, en répondant à des demandes très précises, on pourrait dire quasiment corporatistes, voire communautaires, voire effectivement identitaires. Mais oui. Alors, est-ce que ce n'est pas une fragilité quand même de cette démocratisation, puisque ce dont on va parler quand même dans cette campagne, il me semble, c'est le fantastique pouvoir de l'argent qu'a montré cette campagne, puisque les campagnes sont devenues hyper professionnelles, hyper encadrées, les Amérique. Ah, c'est cela. Bah, ouais. Qu'est-ce qu'une élection américaine, sinon une question de gros sous, arbitrée par Wall Street? C'est le candidat qui a la cagnotte la plus forte qui l'emporte, d'abord dans la nomination interne et ensuite dans l'élection. Donc, hypertrophie des communicants, des publicitaires, etc. Mais ça, c'est quelque chose d'assez, je dirais, banal. C'est pourquoi le renouveau dont vous parliez me semble être un alignement. C'est vrai qu'aujourd'hui, puisqu'on parle des débats qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu, c'est vrai que le feeling, comme on dit, il faut parler américain pour être de son temps, le feeling qu'on a vis-à-vis d'une personne par son apparence, son sourire, sa qualité de présence, évidemment, compte beaucoup plus que les mots qu'elle peut employer ou qu'il peut employer. Donc c'est vrai que le fabricant de mots qu'est l'intellectuel doit un peu baisser pavillon devant le fabricant d'images, qu'est le metteur en image, le metteur en scène ou tout simplement le couturier. Donc là, c'est vrai qu'il y a, appelons ça une dérive, moi j'appelle ça tout simplement un réajustement. Quant aux communautaires, les choses ont été enclenchées malheureusement par François Mitterrand lors de la première guerre du Golfe, lorsque dans une allocution télévisée, il a prononcé ce mot « Je m'adresse maintenant à la communauté musulmane de France ». J'avoue que j'en étais tout stupéfait. C'est la première fois que j'entendais un président de la République individualiser une communauté. Parce qu'alors, après les musulmans, on va venir la communauté juive, et puis la communauté bretonne, et puis on va s'adresser aux catholiques de France. Ça, c'est une donne démocratique anglo-saxonne, ce n'est pas une donne française. Bon. Donc, vous voyez que ce n'est pas un problème gauche-droite, c'est vraiment, nous sommes devant des plaques tectoniques qui sont en train de bouger, qui concernent aussi bien un président socialiste qu'éventuellement demain un président néo-conservateur. Jean-François Colosimo. En même temps, on a vu dans cette campagne le retour de thèmes qu'on aurait pu croire proscrits, qui avaient été ceux, par exemple, portés par Jean-Pierre Chevènement en 2002, la nation. La nation s'est retrouvée, je dirais, revendiquée par Nicolas Sarkozy, alors de manière, avec une très grosse rhétorique, là, pour le coup, hein. Et même par Ségolène Royal, avec la fameuse image des drapeaux tricolores. Ouais. Alors, comment est-ce qu'il faut apprécier ce retour? C'est cosmétique? Ou c'est profond? Non, c'est universel. Il n'y a pas un pays dans le monde qui ne se pose la question de son identité. Je veux dire que la question de savoir qui nous sommes est vraiment une question qui, aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, premièrement parce que les frontières économiques et techniques s'abaissent, la question de qui suis-je devient, je dirais, la question la plus posée sur cette planète par tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas finalement la démocratie française qui sécrète un anticorps à cette américanisation que vous stigmatisez ? Mais chaque pays sécrète son anticorps. D'abord, je ne stigmatise pas, je pointe, comme on dit. Constatez. Je constate. En le regrettant quand même. Oui, effectivement, oui, je regrette, mais enfin, je n'en fais pas non plus quelque chose de diabolique, une subversion épouvantable. Non, ça me semble être un traîne, comme disent les historiens, un courant long. Voilà. Bon. Et un affadissement, surtout, c'est ça? Bah, peut-être un désinvestissement du politique, au fond, peut-être qu'on arrive à une ère post-politique, faut pas non plus. Nous. Vous savez, la politique est quelque chose qui a commencé très tard. Hein. La politique, ça commence en 1790, 91, c'est-à-dire la politique, l'ère politique commence à partir du moment où il y a des choix de société qui ne dépendent plus du terroir ou de l'affiliation, ou des intérêts, si vous voulez, de clan, de famille ou de lieu. Ça vient très tard. On peut, il y a des sociétés qui peuvent vivre sans politique très bien. Donc ça s'est ouvert à peu près, je dis à peu près à la fin du 18e. La fête de la fédération, on pourrait dire. Mais à partir du moment où, dans un hémicycle parlementaire, les gens se regroupent, non pas en fonction de leur caste, ou en fonction de leur origine régionale ou religieuse, mais en fonction des choix de vie et des choix, en quelque sorte, des choix de monde, la vision du monde. Mmh. Bon, c'est peut-être en train de disparaître. Ça a disparu aux États-Unis, on peut dire, dans une large mesure. Il y a beaucoup de pays dans lesquels le mot politique n'a plus grand sens. Je veux dire, ça veut dire simplement répartition du pouvoir, distribution du pouvoir entre clans, entre... Bon, ça, d'accord. Gestion. Ça veut dire que quand on dit qu'on est revenu à un traditionnel affrontement droite-gauche, c'est une illusion ? Si vous voulez, une ère post-politique est tout à fait envisageable. Elle peut peut-être commencer par une personnalisation à l'extrême des candidatures. Vous savez, c'est nouveau. Je parlais avec quelqu'un, avec un ami, un homme de lettres, qui s'appelle Julien Gras, il y a quelques jours, et il m'évoquait le Front populaire. Il me disait, mais on connaissait très peu la personnalité de Blum, par exemple. Personne ne parlait de la personnalité. Bon, il y avait l'extrême droite, il dénonçait comme juif, mais c'était pas Blum qui intéressait en tant que personne, c'était le Parti Socialiste, le mouvement, le Front Populaire, le programme. Bon, on le voyait pas, Blum. On entendait un peu sa voix à la radio. La personne était très abstraite. Le mouvement qu'il incarnait était très concret. Et les thèses, ou les idées, ou les programmes. Donc aujourd'hui, nous assistons à un phénomène inverse. Le programme tend à s'estomper. Et puis la personne, le caractère, le profil, à la limite le physique tend à nous à s'imposer comme le critère. Bon, ben voilà. Donc, est-ce qu'on quelque chose même qu'on peut appeler post-politique ? On clôt un cycle né à la Révolution française ? Oh, ça se clôt pas comme ça, un cycle historique. Disons que ça ne commence pas d'un jour sur l'autre et ça ne finit pas d'un jour sur l'autre. Mais il est vrai que le resserrement des choix au centre, vers le centre, disons, que ce qui s'est passé dans le monde avec l'écroulement, disons, de l'alternative communiste, que le remplacement, disons, des clivages idéologiques par des clivages de type religieux ou confessionnel, effectivement, peut introduire une ère post-politique, sans donner à ce terme, d'ailleurs, une tournure catastrophique. Écoutez, on faisait des choses très bien au XVIIe siècle, quand vraiment le pouvoir n'était pas disputé entre deux conceptions du monde. Jean-François Colossi. Oui, alors, segmentation, tribalisation et ce phénomène de représentation que vous analysez tout à l'heure, on a l'impression qu'aujourd'hui les candidats sont effectivement dans une ambiance très sportive, les champions de leur club ou de leur tribu. C'est vrai que le sport devient le référent. Je suis frappé, n'est-ce pas ? On parle des finalistes. On parle des coachs, de la meilleure équipe pour gouverner la France. Frappé le langage du sport, ce qui prouve que le sport est la religion de notre époque qui tente à absorber la politique, vraiment. Hein, puisque la politique se légitime maintenant par des métaphores sportives. Il y a 40 ans, moi, ça m'aurait semblé... impossible. Mais une sorte de crime de lèse-majesté, mais bon... En même temps, Paul Venn dans Le Pain et le Cirque mêle les procès staliniens aux... Paul Venn dans Le Pain et le Cirque marque bien qu'à la fin de la République ou de l'Empire romain, les courses de chevaux deviennent fondamentales. Régis Debray, on se retrouve dans un instant. Radio Notre-Dame. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. De retour dans cette émission avec Régis Debray, Wonderful World, Sam Cooke. Alors justement, Régis Debray, vous parlez d'Amérique, la politique française s'américanise. Est-ce qu'on est à la veille d'une révolution néoconservatrice à l'américaine? Un politologue récemment, Dominique Régnier, faisait le parallèle entre la campagne de Nicolas Sarkozy sur les valeurs et celle de Bush contre Kerry en 2004. Écoutez, moi je ne suis pas politologue, mais en tout cas cette révolution, je ne la souhaite pas. Je ne la crois d'ailleurs pas possible. Parce que un pays a un logiciel et que le logiciel néoconservateur, chez nous, ça ne va pas. Ça va si peu d'ailleurs que Sarkozy a dû modifier complètement son look et son discours, n'est-ce pas? Dans l'entre-deux-tours. Avant même, des gens sensés comme Henri Guénaud et d'autres lui ont expliqué qu'en France, un atlantiste néolibéral communautariste, ça fait 5%, point. Or, comme il a envie d'en faire 51, il est devenu gaulliste, patriotique, social, étatiste, voilà. Bon, ben voilà. Donc, ça, chaque pays a son logiciel, il a compris le nôtre. Maintenant, le naturel risque de revenir au galop après coup, mais en tout cas, là, pour asseoir sa crédibilité, il a dû changer de discours et ne plus être le néoconservateur qu'il a failli être, ou qu'il sera demain. Jean-François Colosimo. Je veux revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Quand, en fait, le candidat est un chef de club, un champion de club, et qui, malgré tout, alors que le suffrage universel était fait pour avoir un homme ou une femme affranchi du système, capable de représenter le pays, d'incarner l'histoire du pays. Alors, est-ce qu'on n'a pas là une contradiction? Quelle sera la légitimité demain de n'importe quel champion de club, je dirais, ayant gagné la coupe qui s'appellerait l'Élysée, contre un autre champion de club? Où sera la légitimité politique demain avec un tel système? Oui, mais vous savez, la fonction transcende très vite le club, ou le genre d'ailleurs, masculin ou féminin. Elle crée l'homme. Ou féminin. La fonction, c'est comme le rôle pour un comédien. On ne peut pas rabattre le rôle sur un comédien. Un comédien n'est pas forcé d'avoir le physique de son rôle. Donc, moi, je fais confiance dans la logique de la fonction. Cela dit, la supériorité de Ségolène, c'est qu'elle est, c'est son indépendance. Je veux dire, ce n'est pas un chef de parti. Alors que Sarkozy est un chef de parti et un chef de clan, par ailleurs, à l'intérieur du parti. Donc, il y a un côté, si vous voulez. Mais elle a eu du mal quand même à s'affranchir. Elle a eu du mal, mais elle me semble en état, plus en état, si vous voulez, d'écouter d'autres voix que celles du parti et de répondre à d'autres intérêts que celles du parti. Ça me semble, autrement dit, sa faiblesse, c'est une force peut-être dans l'optique de la Ve République, me semble-t-il. Pourtant, vous avez longtemps expliqué que le chef de l'État, c'est avant tout un seigneur au sens féodal qui distribue les prébendes et au fond, on est là dans la logique de la Ve République. Non, qui distribue les prébendes, non, vous faites allusion à un livre que j'ai écrit, « Loué soit nos seigneurs », où dans les seigneurs, je mettais en gros, oui, ceux qui à un moment donné ont la faculté ou le caractère de conduire les autres, y compris à la mort d'ailleurs. C'est le propre du chef. Bon, maintenant les prébendes, non, la France n'est pas un pays de prébendes, et je tiens à ce que le pouvoir régalien de l'État se maintienne, ce qui implique effectivement des frais de représentation, un certain train de vie, une certaine prestance et un certain protocole. La majesté de l'État, c'est notre liberté à nous. Quand l'État s'efface, remontent les capitaines d'industrie, les mafias et éventuellement les clergés. Donc, tout ce qui peut assurer la grandeur de l'État au sens gaullien du terme me semble jouer en faveur des libertés publiques et individuelles y compris. Donc je ne suis pas du tout dans cette logique tendant aujourd'hui à dénoncer, par exemple, le budget de l'Élysée, qui a été dénoncé récemment dans un documentaire qui incriminait le fait que le chef de l'État est un avion pour voyager, et qu'il y ait 1000 employés à l'Élysée. Il y en a 1500 à l'Opéra de Paris, et le budget de l'Opéra est le double de celui de la présidente de la République. Alors, il est vrai, dans ce documentaire, on voyait en contrepartie qu'en Finlande, il y avait une présidente qui était formidable, qui affichait les factures de ses petits fours, et qui faisait entrer la caméra dans sa salle de bain. Alors là, vraiment, c'était la transparence. Bon. Mais la Finlande n'a pas, comme on dit, un rôle à jouer sur la scène internationale. Lorsque vous avez un rôle à jouer sur une scène, eh bien, vous avez, oui, des affutios, vous avez des costumes, vous avez des éclairages, vous avez des estrades, vous avez des chefs du protocole, vous avez des tapis rouges. Tout cela coûte un peu cher, beaucoup moins que les parachutes des Golden Boys. Jean-François Colosimo. Oui. Pour revenir un peu à ce qui vous a occupé ces dernières années, à partir du fameux rapport que vous avez demandé Jacques Lang sur l'enseignement du fait religieux à l'école, puis ensuite la commission Stasi, puis ensuite évidemment vos divers livres, la fondation aussi de l'Institut européen d'histoire et sciences des religions, vous êtes enquis de ces questions. Je crois savoir que vous revenez du Proche-Orient, où vous avez là aussi examiné les questions de laïcité, de minorité, etc. Cette montée des communautarismes, est-ce qu'elle menace la laïcité à la française, et est-ce que cette laïcité à la française, pour l'auteur que vous êtes de votre récent livre Aveuglante Lumière, reste un bien intrinsèque? Ah oui, je crois que c'est un bien intrinsèque, et d'abord pour les religions elles-mêmes. Je ne dis pas ça simplement au sens qui n'échappait pas à René Raymond. Alors, c'est drôle, je pense à René Raymond en ce moment, parce que nous avions beaucoup parlé de laïcité avec lui dans différents voyages, dans différents colloques, et c'est extraordinaire à quel point aujourd'hui les catholiques ont compris que la laïcité ne leur faisait pas de mal. Est-ce que la laïcité n'est pas une notion chrétienne à la base? Écoutez, elle l'a peut-être été, vous allez me dire, rendons à César, etc. Matthieu 1,19, non, je me trompe. C'était peut-être une notion chrétienne. Disons que la chrétienté a mis du temps pour s'en rendre compte. Et quand vous relisez, par exemple, les bulles ou les encycliques papales du 19e siècle, vous êtes... Bon. Non, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la laïcité est un bien, et pour les gens dans la rue, ça les met à l'abri tout de même de pas mal, je dirais, de fanatisme latent, et c'est un bien pour les confessions religieuses elles-mêmes qui n'ont pas à pâtir de l'officialité avec tout le statut qui peut en dériver, de privilèges, de collusion, de nationalisme, etc. Là, c'est un petit problème chez les orthodoxes, qui est précisément le... La fusion Église-État. Il y en a pour tout le monde ce soir, c'est très bien. C'est un surcroît d'identité. Mais l'orthodoxie, effectivement, est une admirable spiritualité, mais il faut admettre que qu'elle a joué un rôle historique extraordinaire de maintien, de sauvegarde d'indépendance nationale dans beaucoup d'endroits, mais que cela s'est payé au prix de ce qu'on appelle chez vous le philétisme. Absolument, et qui est condamné théologiquement comme une hérésie moderne, la confusion du politique et du religieux. Voilà. Est-ce que quand même sur cette question de la laïcité, Régis Debray, les lignes ne sont pas en train de bouger? Quand on a vu au cours de cette campagne un Nicolas Sarkozy qui cite le christianisme et Jean-Paul II, quand François Hollande dit, il n'y a pas, réagit en disant il n'y a pas de place pour la religion dans la République, est-ce que finalement les choses ne sont pas quand même en train d'évoluer sur ce point? Mais Sarkozy l'a dit, on m'appelle un Américain et j'en suis fier. Et donc, il a effectivement une vision américaine de la société française qui est respectable. Simplement, elle ne me semble pas historiquement fondée. Et d'ailleurs, je trouve que Sarkozy a eu le mérite de faire un livre très audacieux, d'ailleurs. Dans la République, lequel, les religions, l'espérance. Voilà, dans lequel il dit, voilà, le temporel n'a pas de contenu moral, idéologique ou métaphysique. Le temporel, l'État, c'est la gestion. D'accord? Bon, c'est-à-dire c'est le terre-à-terre, le bilan comptable annuel, etc. Le spirituel, c'est-à-dire le sens de la vie, ça regarde les religions. N'est-ce pas? Bon. Alors ça peut marcher aux États-Unis, et ça marche d'ailleurs, parce que les États-Unis, enfin, je parle de Jean-François Colosimo qui a fait un livre là-dessus, sont nés de et par le religieux. Se sont structurés dans la matrice biblique, d'où une religion, disons, biblico-patriotique, enfin voilà. Donc. Mais la France, c'est pas ça. Depuis 1789, qu'on le déplore ou non, le temporel a créé sa propre dynamique qui inclut toute une part, je dirais, spirituelle, le mot est peut-être un peu fort, en tout cas intellectuelle et morale, à savoir une certaine conception de la vie, de la rationalité, de la responsabilité de l'État dans l'éducation, dans la diffusion des arts, de la culture, etc. Toutes choses qui en Amérique n'existent pas. La culture, les arts, c'est du privé. Le religieux, ça structure le public. C'est pas le cas chez nous. Bon. Mais est-ce que cette conception... En fait, je crois que la vision de Nicolas Sarkozy est... Je parlerai de misfit, c'est-à-dire c'est une vision qui peut parfaitement se défendre, qui n'est pas du tout méprisable, elle est même, je dirais, très courageuse en un certain sens, peut-être même très lucide. Elle ne correspond pas à la formation historique française. Et voilà. Pourtant, est-ce que cette conception restrictive de la laïcité, puisqu'elle exclut en quelque sorte la religion du champ public, n'est pas mise à mal aujourd'hui? Attendez, pas du champ public, du champ politique. Du champ politique. C'est différent. Personne du champ politique, interdit les processions absolument. Dans la rue, et c'est autre chose. Encore qu'elle a été intégrée, peut-être, mais c'est un autre débat. Est-ce que cette conception de la laïcité n'est pas mise à mal, notamment par la présence de l'islam, qui, lui, ne fait pas de différence entre le privé et le public? Effectivement, il est incontestable que l'islam crée une difficulté, mais on peut rêver, on peut même anticiper, on peut même projeter que l'islam va se franciser, que l'islam va se laïciser, c'est-à-dire qu'il y aura non pas un islam en, mais un islam de France. C'est un processus qui s'atteste par les intermariages, qui s'atteste par, une nouvelle diffusion plus naturelle des lieux de prière, etc. On peut parfaitement concevoir, de même que l'islam tunisien n'est pas celui d'Arabie Saoudite, l'islam français ne sera pas celui de l'Algérie. Jean-François Colosimo. À l'aune de l'histoire, puisque c'est un monde qui se clôt, on a parlé, peut-être qu'à l'aune de l'histoire, on se rappellera de Jacques Chirac comme celui qui a dit non à un moment à une guerre qu'il pensait injuste. Et ça a été, on le sait, un peu le tournant un peu de sa vie politique, n'est-ce pas? Le fameux discours à l'ONU prononcé par Dominique de Villepin. Est-ce que vous pensez que cette hyper-démocratisation, en quelque sorte, que nous vivons aujourd'hui, rend encore de tels actes possibles demain? Ou est-ce qu'on va vers un phénomène d'aplatissement, en quelque sorte, de la France elle-même, dans cette normalisation que vous décriviez? C'est une bonne question. Je crois même que c'est tout l'enjeu de l'élection, si vous voulez. Il est certain que si la France rentre dans un certain consensus occidental, d'abord elle va le payer cher, parce que ce consensus occidental est rejeté véhémentement par une autre civilisation. Le choc des civilisations, ça existe, un gros mot, mais il faut peut-être pas le dire, mais c'est tout simplement, das ist, ça existe. Bon, il y a 1 milliard de personnes qui considèrent que l'Occident est une civilisation décadente, en crise, qu'on peut lui prendre ses technologies, mais qu'on doit combattre. Jusqu'à présent, la France a été relativement épargnée. Elle pourrait ne plus l'être. Bon, ça c'est un point, disons, je dirais, tactique ou stratégique. Il ne faut pas en faire non plus un chantage, etc. Bon, bah, c'est une réalité. Pour qui vient du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, on se rend compte tout de même que nous bénéficions jusqu'à présent un certain statut d'exception, malgré la loi sur le voile, dont les islamistes disent qu'elle prohibe le voile en France, qui est une erreur considérable, une fausseté, etc. Enfin bref, nous n'allons pas reprendre tout ça. Mais il est certain que l'intégration, disons, économico-médiatique dans l'américanosphère peut rendre très difficile, non pas d'ailleurs pour des raisons extérieure, mais pour des raisons liées à la politique intérieure française, c'est-à-dire que les Français eux-mêmes peuvent être amenés à protester contre une attitude d'indépendance de la France. Ce sera votre dernier mot. Merci beaucoup, Régis Debray, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Aveuglante lumière, journal en clair-obscur, c'est chez Gallimard. Merci également à Dimitri pour la réalisation de cette émission. Très bonne soirée à tous.